Ah, là, t'entends les sons saturés, hein. Il va mettre un son saturé. Tu m'entends? T'es toujours là ou pas? Alors? Là, pas bon. Ok, c'est bon alors. Bon, en fait, faut que je passe par un autre boîtier FM. Mais par rapport le son, par rapport aux autres, est-ce que tu trouves que mon volume il est bien réglé ou pas? Il est trop faible par rapport aux autres ou enfin, pour l'instant, tu peux pas tester. Faudrait que il y en a d'autres qui jouent. Thank you. Thank you. Ouais, c'est pas mal la guitare derrière. Le hard. On change. Sans parler du reste. Bravo. Ah, tu m'entends? Ouais. Hey, t'es toujours là? Mais bien cet accord. C'est très juste, attends. Je termine ma cigarette. Intéressant, ouais. Avec la guitare, bravo. C'est qui fait la guitare? Ah, c'est toi! Je croyais que c'était quelqu'un d'autre, moi. Attends, on n'est plus que deux? Ah, ben l'autre, il s'est barré. Ah, ben il n'y a que nous! Il n'y a que nous! Je croyais que c'était quelqu'un d'autre, moi. Je savais pas que c'était toi. Ah, c'était une boucle! J'ai compris. Ah, regarde, c'est un petit blues. C'est un blues. Mais non, c'est pas un blues. Un truc, je sais pas, j'ai pas accordé. Ah, Quand je m'entends rigoler moi-même en plus, alors là, ça me fait encore plus sourire. J'y arrive pas, merde. T'as vu, je me suis complètement. J'ose pas jouer fort, c'est 2 h du matin, ouais. J'ose pas jouer fort. Ouais, remarque si je monte le micro, c'est vrai que. Puis j'ai pas beaucoup d'ongles aussi. Puis de toute façon, je vais pas jouer. Attends, je reviens. C'est toi. Ah là, je m'entends pas. Oh putain. Oh, c'est bon. Ça fait du bien. Parce que qu'est-ce que je joue mal? Ah oui, alors on était. Ah oui, alors, mais ouais, je peux pas jouer. Je vais jouer fort à 2 h du matin. Gladiator. Ah. Bah, j'entends pas ta voix. J'entends pas ta voix suffisamment. En fait. Attends, mais j'ai perdu le médiator. Ça va, j'ai une lampe de poche, ça facilite la recherche. Ouais, ouais, je t'entends. Putain, heureusement que j'ai une lampe de poche. Ouais. Non, je disais que dans le chat, tu vois, dans le chat, chat. Il est marqué. Dans le chat. Je t'entends pas, c'est pas assez fort. J'ai fait tomber le médiator, mais alors il est par terre là devant moi, il doit pas être bien loin. Attends. Ouais, je l'ai, ouais. C'est parti drôlement loin. Incroyable. Je le tiens. Ah, mais on est trois maintenant. Ah non, il y a toi derrière. Attends, je vais monter ton accompagnement là. Ouais, ouais. Bah non, je l'entends pas mieux. Alors attends. Ah oui, c'est ça. Bah faudrait le mettre plus fort. Hein. Ou alors tu joues moins fort sur ta guitare. Ah bah il y avait quelqu'un. Je m'assole. Ah! Ben on faisait pas les mêmes notes. Non, c'est normal, ça marchait pas. C'est bon, ouais. Je faisais un sol, moi. Tu vois? Je faisais mi, sol. J'ai changé d'accord. Ah voilà, ouais, parce que le sol il m'emmerdait, quoi, tu vois. Mais c'est justement, c'est un bon exercice. Parce que c'est simple quand même. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi, de faire un sol juste derrière un mi. Ouais, ça c'est la version Philippe que t'as fait à la fin. Simplifié. Ah oui, j'ai compris. Après le ré, tu refais un do. C'est l'heure où je vais manger là. Con ça. C'est l'heure où je vais manger. Mais ça fait rien, je reste là. Hein. Je sais pas si je peux le passer dans Pal Talk. Le truc. Parce qu'on m'entend aussi. Bah ouais, c'est bon là. Ah bah non, ça passe pas, oui, c'est vrai. Ouais, non, ça passe pas. À manger. On entend pas, il se remet tout seul. Il faut que tu règles le son avant de te connecter sur le serveur de NinjaBlue. Je ne veux pas régler le son avant.